Chapitre 26e. Tempête. Une pluie de rue bat sur la vitre de la cuisine, plongée dans une semi-obscurité. Bien que le crépuscule soit arrivé, la lumière n'est pas allumée, par économie. À l'intérieur, Zara est occupée à laver le linge sale. Agenouillée devant une cuvette, elle frotte vigoureusement le pantalon de son frère. Tout à coup, des larmes tombent dans l'eau savonneuse. Zara les laisse couler et, au lieu d'interrompre son travail, frotte plus vigoureusement le vêtement. Peut-être par sentiment de révolte, ou pour aider les larmes à couler davantage, ou encore les deux à la fois. Zara présente un bilan à elle-même. Jusqu'à présent, elle a su affronter tous les malheurs, toutes les misères, les plus cruelles, les plus humiliantes. C'est qu'alors son cœur était mort, du moins insensible à tout, sauf à garantir la pitance pour son infortunée famille. Une carapace de stoïcisme et de cynisme absolu était l'arme défensive efficace de Zara. Les hommes, de grossières bêtes. Les femmes, également. Seul un vague sentiment religieux vivait en Zara. D'une part, il lui justifiait ce qu'elle subissait. D'autre part, il lui interdisait l'envie, plusieurs fois éprouvée, de mettre fin à son insupportable existence. Ah, Zara, où est ton art? Dans une famille sans argent, sans instruction. Et voilà que, sur l'épineux sentier tortueux des drames affreux, où toute espérance est vaine, est apparu Karim. Est-ce vraiment un être humain? Vraiment différent des autres, pas méchant, pas mauvais? Est-il réel? Ou seulement un rêve trompeur? Est-ce la perte complète de ma raison qui imagine l'existence de cet ange étranger à cette damnée terre? Dans ce terrible monde sans la moindre pitié, comment l'amour entre un homme et une femme pourrait-il exister? Même Dieu n'aime pas ses créatures, puisqu'il les a chassées de son paradis et les a damnées, elles et toute leur descendance. Exténuée, Zara cesse de frotter, laissant ses mains immergées dans le liquide sale et sombre. Et pourtant, à la pensée de Karim, pour la première fois de ma vie, mon cœur s'éveille, vit, bat plus vigoureusement, malgré moi, comme une première hirondelle dont le joyeux cri annonce le printemps, alors que le temps est encore hivernal. Comment me résoudre à croire à l'amour? Pourtant, les yeux de Karim sont tellement éloquents. Et mes sentiments aussi, malgré moi. Mais j'ai peur, peur affreuse, horrible de m'illusionner, de me tromper. La chienne toujours battue que je suis, comment pourrait-elle croire à une caresse? Pourtant, elle en a besoin, tant besoin de caresses, pour ne pas mourir tandis que son corps n'est pas encore dans une tombe. Mais comment affronter cette tempête sentimentale? Zara lève son visage tourmenté vers le ciel et murmure, la gorge serrée. Ya Rabbi, si vraiment tu existes, si vraiment tu entends, si vraiment tu es capable de compassion, viens à mon secours, éclaire-moi, donne-moi la force nécessaire pour laver mon âme, pour jeter l'eau sale de mon passé, afin de pouvoir aimer et être aimé. De son côté, au même moment, Karim lui aussi est occupé à faire le point sur le miracle dont il est le sujet et l'objet. À l'hôpital, le silence est total. Dans le local de permanence nocturne, l'infirmier est allongé dans son lit. Une petite lampe éclaire son visage préoccupé. « J'avais en tête uniquement mon travail à bien faire, le syndicat, Saïd, Sélafide. Comment améliorer ma situation et celle des personnes qui m'entourent, afin de mieux respirer dans cette prison à ciel ouvert qu'est mon pays ? Et puis, je l'ai connue. » Elle a pris sa place à l'endroit vide et qui en avait besoin. Désormais, elle y habite. Mais dans cette maudite société où se rencontrer est tellement difficile, où le plus magnifique des sentiments humains, l'amour, est ignoré, calomnié, banni, sali, condamné comme la pire des turpitudes, comment dire « je t'aime » sans être pris pour un martien, pour un fou? Les esprits tarés veulent nous réduire à des bêtes limitées uniquement à copuler pour perpétuer l'espèce humaine. Et le seul prétendu amour permis devrait s'exprimer uniquement au bénéfice de Dieu. Qu'est-ce donc que ce Dieu exigeant l'exclusivité de l'amour en interdisant à ses créatures de s'entraimer? N'est-ce pas le comportement d'un vulgaire tyran? Toutefois, pour moi, une chose est claire. Je t'aime, ma chère Zara. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Qu'y aurait-il donc de mauvais, de condamnable, dans ces paroles sublimes prononcées par un cœur heureux pour rendre un autre cœur heureux? Karim se rappelle la première chose qui l'a frappé lors d'un bref séjour à Rome. Il est parti rendre visite à sa sœur, Samia, qui y réside. Un dimanche matin, il alla en sa compagnie dans un parc tout proche. Le printemps embellissait tout de sa splendeur, incitant la joie de vivre. Partout, de verts gazons, des arbres resplendissants, des fleurs aux pétales ouvertes en direction de la lumière solaire, des oiseaux dansant et chantant, un air doux remplissant les poumons. Dans ce parc, Karim vit quelques jeunes couples. Tout près l'un de l'autre, certains amoureusement lassés, ils s'embrassaient, se caressaient, se contemplaient les yeux dans les yeux, puis encore s'embrassaient, se caressaient, se contemplaient. Karim en fut tout surpris, les yeux écarquillés, le cœur en émoi. « Que c'est beau !» dit-il à sa sœur. « Quoi ? » demanda-t-elle. Il lui indiqua les couples enlacés, puis ajouta « On dirait de charmants pigeons. »« Oui, » confirma Salmia, contente. Puis son visage se voila un peu, et il continua, d'un ton brusquement changé, âpre. « Pourquoi ce merveilleux comportement nous est-il interdit en Algérie ?»« La pudeur, » répondit Karim. « La vraie pudeur, » objecta la sœur, « consiste-t-elle à cacher l'expression publique de beaux sentiments, ou au contraire, à cacher les horribles actions causées par la mesquinerie ou la haine ?» L'interrogation frappa Karim. « En effet, » dit-il avec contrariété, « chez nous, en Algérie, la laideur n'a aucune honte de se manifester, tout au contraire, tandis que la beauté est contrainte de se cacher, et cela dans tous les domaines. » Samia poursuivit, d'une voix mordante, « Ah, combien est malade notre société, ou plutôt sont malades ceux qui lui imposent de cacher ce qui est beau et unit harmonieusement les êtres humains. » Le plus grave est ceci. En Algérie, plus qu'ailleurs, les plus gravement malades mentaux ne se trouvent pas dans les hôpitaux, mais à l'extérieur, et d'abord au plus haut de la hiérarchie sociale. Les internés savent, au moins, que leur cerveau est détraqué, tandis que les seconds se croient sains jusqu'à prétendre diriger la société. Là est la tragédie. Changeant de ton, la sœur récita des vers en italien, d'un ton mélancolique. « Triste il paese dove la mort deve nascondersi, dove i più belli sentimenti sono impediti. » Coloro che impongono questa follia sono malati ed infelici, sono tutti lì innamorati cotti. » Samia ajouta, « Je te traduis. Triste est le pays où l'amour doit se cacher, où les plus beaux des sentiments sont empêchés. Malade ceux qui imposent cette folie, et malheureux sont tous les amoureux transis. » « Oh là là, ma sœur, » nota Karim avec admiration, « j'ignorais que tu aimes la poésie. » C'est dans mon quartier que je l'ai découverte. Je fréquente un cercle de poésie. Tous les deux samedis soirs, chacun et chacune viennent librement et gratuitement lire leurs poèmes dans le local d'une association. Et note que je vis dans un quartier populaire. Rencontre poétique s'appelle cette activité. Beaucoup de personnes y viennent, de tous les âges, et j'aime beaucoup y aller moi aussi. Malheureusement, je n'ai vu aucun immigré. Pourtant, ils sont nombreux dans le quartier. Pour ma part, j'ai découvert de très beaux livres de poésie. Ils ont éveillé chez moi le plaisir de lire et aussi d'écrire des poèmes. « Oh !» commenta Karim. « Quelle joie d'apprendre que ma sœur est poétesse. Quand nous retournerons à la maison, tu veux bien me lire tes poèmes ?»« Avec plaisir, mon cher frère. » Elle ajouta. « Et tu sais qui eut l'initiative et dirige ces rencontres ? Devine. » Elle attendit la réponse de son frère. « Tu me poses, » regretta-t-il, « une question difficile. Je donne ma langue au chat. Un Algérien ?» déclara-t-elle. « Oui, un Algérien !» Karim secoua la tête de dépit en se rappelant combien ce genre d'initiative manque en Algérie. Samia s'en rendit compte. Alors elle murmura avec colère. « Qu'ils soient maudits ! Maudits ceux qui ont stérilisé les plus belles énergies de notre pays et l'ont transformé en un immense amas de saleté, aussi bien matériel que mental !» Pour parler ainsi, et avec cette véhémence, remarqua le frère, « j'ai l'impression que cette Algérie te tient au cœur. « Naturellement. C'est la terre où je suis né, où j'ai vécu mon enfance et mon adolescence, où j'ai aimé les gens et la nature. C'est mon berceau et mon terroir. Par malheur, une engeance maléfique à face humaine a transformé ce magnifique morceau de la terre en un immense bordel, où une minorité de macros a mis à son service une majorité qui prostitue sa dignité pour du fric, rien que du fric, tout en se drapant avec le nom d'Allah et de son prophète et en se proclamant patriote. » Samia s'interrompit un instant. Karim ne sut pas si elle allait hurler de colère ou se lamenter de douleur. Elle avoua, d'un ton vibrant de fermeté. « Oui, l'Algérie, je l'aime, mais désormais seulement de loin. Et cet amour est encore plus intense, parce que sevré. J'enrage. J'enrage à me voir réduite à l'impuissance, à l'incapacité de faire quelque chose d'utile pour le peuple de mon pays. J'en ai honte, si honte, tellement honte. Soudain, elle ne put se retenir. La digue retenant ses sentiments éclata sous forme de sanglots. Samia se cacha le visage dans ses deux mains et laissa libre cours à son abrant chagrin. Karim retourna en Algérie, à moitié triste, à moitié résolu. Triste de ne plus voir une scène d'affection entre deux amoureux dans un jardin public. Résolu de se battre pour un futur où le beau climat algérien s'harmonisera avec la vue de jolies relations entre les hommes et les femmes. Autrement, se dit Karim, comment survivre dans un asile d'oppresseurs pervers et sadiques fabriquant des esclaves obsédés et masochistes? Dans la permanence de l'hôpital, les souvenirs et réflexions de Karim sont interrompus par l'arrivée de l'infirmière Fatia. Alors, cette nuit, pas de lecture? Il la regarde un instant puis déclare, un peu amusé, « Si, si, encore de la lecture. Mais je ne vois pas de livre. C'est un livre intérieur. » Fatia, stupéfaite par la réponse, éclate de rire, puis demande « C'est quoi un livre intérieur ?» Karim réfléchit à sa réponse. Constatant son silence, Fatia émet une hypothèse. « Ah, je vois, tu veux dire clandestin, interdit ? Si on veut. » « Aïe, aïe, aïe, Karim, tu veux t'attirer des ennuis ou quoi ?»« Pas du tout, Fatia. » « Alors, insiste-t-elle, dis-moi, je suis curieuse, de quoi s'agit-il ? Tu veux vraiment le savoir ?»« Oui, oui, oui. » »« Eh bien... » « Lis dans mon âme. » Les yeux de la collègue s'écarquillent au maximum en dévisageant Karim. « Alors là, là, tu me troubles la tête. » Elle se recompose. « Puis-je, hasarde-t-elle, te demander ce que tu lis dans ton âme ?» Karim sourit brièvement, puis répond. « Peut-être un jour je te le dirai. »« Vraiment ?» s'excite Fatia. « Si les brumes qui obscurcissent notre ciel disparaissent. » « Les brumes. Tu parles comme, je ne sais pas. » Qu'est-ce que tu appelles les brumes ? Ce qui nous empêche d'exprimer librement nos pensées, nos opinions. Aïe ! Objecte Fatia. Encore la boulitique ? Non, il ne s'agit pas de ça, mais simplement de saine mentalité dans une saine société. Oh, là, tu vas me donner une migraine. Allez, dors au lieu de faire ce genre de lecture. Moi, je vais me reposer. Et ma tête aussi. Bon repos, lui souhaite Karim. Elle sort en dandinant ses jolis hanches et en chantonnant de manière plaisante « L'âme, l'âme, ô mon œil, ô ma nuit !» Une fois de nouveau seul, Karim se concentre sur sa principale préoccupation. « Zara, se dit-il, n'est qu'une femme de chambre. Mais j'espère que les brumes qui empoisonnent son esprit sont moins denses que chez Fatia. Espérons que Zara, bien que pauvre, ne considère pas la valeur de l'homme dans sa poche. Il faut que je trouve le moyen de parler avec son frère. » Il prend son portable et envoie un message à Zara.